Vous écoutez France Culture. Le Salon Noir. Chez nos rois de France, on connaît des Louis, le pieux, le chauve, le bègue, le gros. Chez les Charles, le simple, la fable, le bien-aimé ou le fol, le sage aussi. Parmi les Philippe, il y a l'Auguste, le bel, le hardi, mais aussi le hutin. Enfin, chez les gens, le posthume qui régna 4 jours et ne passa jamais à la postérité. Mais que sait-on sur Pierre V, le hideux, et son fils Pierre VI, le gras, qui ne furent jamais rois, mais dont François Gentilly de Linrap vient de découvrir le château à Viarmes. Pour tout savoir, c'est entre l'église du village et l'actuelle mairie que j'ai retrouvé notre archéologue. François Gentilly, on sait que les archéologues sont des collectionneurs un petit peu particuliers, puisqu'ils ont forcément des comptes à rendre. Vous, vous collectionnez les châteaux ? Oui, après avoir collectionné les villages du Haut Moyen-Âge, et justement sur la quête un petit peu des villages actuels, de leur origine, et je suis tombé sur un certain nombre d'édifices aristocratiques, souvent fortifiés, maisons fortes, hôtels seigneuriaux, châteaux forts, puisque Viarmes arrive après une série d'études de cas qui sont un peu différentes, mais qui sont dans la même micro-région, dans l'ancien pays de France. Je dirige depuis une dizaine d'années la fouille programmée du château d'Orville, où je suis arrivé par l'habitat du Haut Moyen-Âge, en fait, où on avait une présence un peu privilégiée, etc. Après des fouilles préventives classiques, et avoir fait le tour en fait, des parcelles qui l'environnaient, on s'est attaqué un petit peu à cette grosse maison forte qui devient un château fortifié de façon efficace pendant la guerre de 100 ans. Et puis en travaillant au cœur des villages actuels, hein, c'est-à-dire souvent on perd, quand on fouille des villages du Haut Moyen-Âge dans les champs, on perd leurs traces après l'an 1000, hein, dans le courant du 11e, quelquefois un peu avant. Bah, il faut chercher la suite sous les villages actuels. Avec persévérance dans le cadre de la rénovation urbaine de Villiers-le-Bel, par exemple, j'ai fouillé une partie de l'habitat et j'ai eu la chance de tomber sur un peu le secteur majeur où les trois éléments, le trio infernal, château, enfin hôtel seigneurial, cimetière et église, viennent en interaction. Et là, on a souvent des surprises, puisque à Villiers-le-Bel, par exemple, on a les trois éléments ne sont pas dans l'ordre qui est classiquement donné dans l'historiographie. Vous imaginez qu'il y a d'abord l'église, puis ensuite le cimetière autour, et puis ensuite l'habitat seigneurial qui vient s'y coller. À Villiers-le-Bel, on a une nécropole du Haut Moyen-Âge, avec un fond mérovingien de sarcophage, puis une grosse extension à l'époque carolingienne, vraiment un gros cimetière, hein. Mais on n'a pas de traces d'édifices cultuels à cette période. En revanche, qui vient squatter le cimetière, pratiquement toute la surface du cimetière, c'est un habitat qu'on considère comme étant seigneurial, enfin proto-seigneurial, une grande bâtisse sur poteaux plantés avec des murs en plâtre, hein, un peu l'ancêtre de l'hôtel seigneurial, si vous voulez, entouré de fossés en V, qui squatte l'essentiel du cimetière. Quelque part, c'est comme si, pour prendre le contrôle des vivants, on prenait le contrôle symbolique sur les morts. Mais toujours pas d'église. Il faut attendre le XIIe siècle pour l'agrandissement de l'hôtel seigneurial. On est dans un contexte de création de prieurés, etc. Donc on est cette fois-ci dans le XIIe siècle. Pour la première fois, on fait venir une église qui va se développer. Pas seulement une église, un prieuré, hein, avec donc une communauté. Des bâtiments qui sont même de meilleure qualité de construction que l'hôtel seigneurial lui-même. Et tout ça va conduire finalement, faute de place, sur le même endroit, à la construction d'une vaste église gothique, qui est la seule qui reste au bout du compte sur la parcelle. Hein, c'est l'église au bout du compte qui a gagné. Mais voyez, le système d'offes et de poules, etc., n'est pas celui qu'on imaginait au départ. À Orville, on serait chez Hutin le Baveux. Non, là c'est à Bayet qu'on avait Hutin le Baveux. Ici, le destin d'Orville bascule lorsqu'il rentre en possession en fait d'une famille proche du roi. On cherchait par le diagnostic à s'approcher le plus possible de l'hôtel seigneurial de Hutin le Baveux, en l'occurrence. mais nous n'avons pas retrouvé les vestiges tangibles qui se situaient un peu à l'écart. Mais ça nous a conduit directement par l'examen d'une des glacières du château à un dossier que vous connaissez bien dans le Salon Noir, puisque c'était la fameuse histoire des statues soviétiques de 1937. Les habitats seigneuriaux ont quelquefois eu des destins curieux, en l'occurrence de devenir propriété d'un syndicat ouvrier en 1937. Bien sûr, la CGT, des sculptures détruites visiblement dans les années 41 par Vichy, c'est bien ça ? Oui, c'est une destruction à coup de masse d'un symbole doublement honni, puisqu'il s'agissait un peu du symbole à la fois du Front populaire tel qu'il apparaissait, les ouvriers, et de l'URSS à une époque où les nazis allaient envahir l'URSS. Alors la première découverte, puisque aujourd'hui nous sommes donc à Viarme, dans les douves du château, la première découverte commence tout simplement dans le bar de Viarme. Je pense que le château médiéval de Viarme aurait dû être compris immédiatement lors de la découverte archéologique faite par Patrick Noury, lorsqu'il a décidé de taquiner un peu le plafond de ce qui était à l'époque une buvette. Puisque face à l'église de Viarme, vous avez donc le bar des Tilleuls, qui est bien connu des Viarmois et d'autres pour son petit festival de jazz annuel, et les magnifiques voûtes qui sont manifestement, qu'on a expertisées comme étant vraiment des voûtes médiévales, plutôt de la fin du XIIIe siècle. Les années 80 étaient une année de tabagie excessive dans les bistrots, et pour répondre à ça, il avait, ainsi qu'il le raconte fréquemment, cherché à faire déboucher un conduit d'aération, d'évacuation des fumées, dans une vieille cheminée, qui lui a conduit à tester son comble, un comble qui était assez bas et aveugle, et s'apercevoir qu'au-dessus de cette couche de plâtre, vous aviez un immense vide. Et perçant cet immense vide, il est tombé sur ses voûtes médiévales. Mais la pièce, finalement, était encore naguère interprétée comme étant une salle de garde 16e. Donc finalement, la compréhension du château, il a fallu attendre le diagnostic archéologique de janvier 2012 pour en comprendre l'assiette, l'organisation et la complexité. Et c'est vous le découvreur du château médiéval de Viarme, donc ? Eh oui, j'ai cette chance. Je mesure en même temps le privilège qu'il s'agit pour moi, puisque je suis également fortuitement viarmois depuis une vingtaine d'années. Donc la chance aussi d'être le premier quelque part à avoir mis en relation les vestiges enterrés découverts dans le diagnostic et les éléments d'architecture encore visibles dans l'îlot. Alors oui, on est quand même un tout petit peu plus près de la mairie, puisque la mairie est à environ 2 mètres de nous, on est juste devant. Donc des travaux de réfection sont engagés, et là vous découvrez, qu'est-ce que vous découvrez de fait ? Une grande bâtisse dont on ne cesse à la fouille de mesurer d'agrandir la surface, la complexité, la circulation des pièces, et surtout dont on est en train de mettre en évidence une très grande qualité de sol de pavement et voire même de peinture d'enduit peint à l'étage. On a aussi un mur d'enceinte avec des tours et également des logis à l'intérieur du château. Les deux ensembles étant séparés donc par ces fameux fossés en eau. Donc on doit gérer et tenter de comprendre cette complexité. On a quelque chose d'assez prestigieux à l'extérieur, quelque chose d'assez prestigieux à l'intérieur. La compréhension d'un édifice fortifié, sa chronologie à cerner, et puis faire avec un certain nombre de phases de destruction, à la fois des phases d'embellissement et des phases de destruction qui sont extrêmement brutales. Alors moi, ce que je vois surtout, c'est une sorte de courtine, une sorte de glacis en pierre de taille absolument superbe. C'est un caractère extrêmement défensif de ce château. Oui, là on est parmi les aménagements les plus récents, avant la destruction du château pendant la guerre de Cent Ans. On a affaire à un rhabillage en fait. Cette fortification, cette courtine n'a cessé d'être améliorée, modifiée. On a plusieurs phases. On voit ici une portion de courtine en pierre de taille à côté d'une courtine en moellon. Et là, vous avez par cette tour d'angle qui est en cours de relevé par mon collègue Pascal Raymond, avec ses 12 assises de pierre de taille. C'est un ouvrage coûteux. Et il s'agit vraisemblablement d'une phase de mise en défense et de mise à niveau de la forteresse qui intervient très probablement à l'époque de Charles VI. C'est ce qu'on avait sur le site d'Orville. Le site d'Orville nous conduisait à voir le recreusement des fossés et la construction de beaux édifices en pierre de taille. Il semble ici que ce soit un des amis du seigneur d'Orville, le seigneur de Chambly, Charles de Chambly, lui aussi conseiller chambellan à la cour du roi Charles VI. Il semble que ce soit Charles de Chambly qui soit l'auteur de ce très bel ouvrage d'angle avec son glacis incliné qui est destiné à éviter le sort classique des tours de cette période, c'est-à-dire une destruction par un travail de sape. Ici, on protège la base de l'édifice en éloignant le plus possible la possibilité de creuser un tunnel et d'y faire une sape. François Gentilly, comment peut-on s'imaginer ce château grand, avec beaucoup de prestige, des carreaux absolument sublimes? Alors, bien entendu, il faut cerner un petit peu la chronologie pour voir l'évolution, les périodes favorables, les agrandissements. La mention d'une seigneurie à Viarme et puis d'hôtel seigneurial est antérieure à son acquisition par les chambellans des Capétiens, puisqu'on a la famille Garlande, on a les Pierrefonds. Mais c'est l'acquisition par la famille de Chambly, notamment du temps de Pierre V, qui est le dernier, à ma connaissance, le dernier chambellan de Saint-Louis, puis de Philippe III et de Pierre VI, qui sont des charges qui sont lucratives, qu'on date un certain nombre de travaux d'embellissement du château. On serait donc dans la demeure de Pierre V le Hideux ? Plutôt de Pierre VI le Gras, si on considère finement la chronologie. Donc les Chambly sont une famille dans l'environnement du comte de Beaumont. Et lorsque le comté de Beaumont passe aux Capétiens, les Chambly sont dans l'orbite des Capétiens. Et les Capétiens vont, à l'époque de Louis VIII notamment, vont avoir une fréquentation importante du secteur. On se situe dans les années à peu près quoi, 1200 et des poussières? Oui, voilà, on est au cœur du XIIIe siècle. Donc depuis Philippe Auguste, donc le comté de Beaumont est passé aux Capétiens, qui sont comtes de Beaumont. Des membres de la famille royale. Donc, et vous avez la localité voisine d'Anières-sur-Oise qui va voir la construction d'un petit château royal, d'une résidence. Et vous allez avoir les grands moments où vont se développer la présence royale dans le secteur. C'est donc c'est sous Saint-Louis, au début du règne de Saint-Louis. C'est le grand œuvre, c'est la construction de l'abbaye royale de Royaumont sur le territoire de Cuimont. Et je pense que la fréquentation majeure du lieu par Saint-Louis et en même temps la promotion de la famille de Chambly qui deviennent chambellan du roi explique pas mal de choses et notamment explique l'acquisition à mon sens, même si elle va être elle va être faite tardivement par rapport au règne de Saint-Louis, mais va surtout être effective ensuite avec les Capétiens suivants. L'acquisition de la seigneurie de Viarme à 2 km de Royaumont se fait dans un contexte où le roi et donc la cour sont très présents dans le secteur. Donc je pense qu'on explique un certain nombre de choses par cette présence. Donc d'imaginer que le chambellan soit motivé à avoir donc, sa maison à proximité immédiate et éventuellement un espace pour accueillir éventuellement son suzerain, en tout cas une partie de la cour, voilà qui, d'un seul coup, nous éclaire sur une des découvertes archéologiques et une des contradictions qu'on peut avoir sur ce site, c'est-à-dire une très belle salle seigneuriale hors les murs du château, immédiatement à l'extérieur des fossés. Alors, ce qui est surtout très beau, ce sont les carreaux sur lesquels auraient pu marcher le roi et la cour. Alors, vous avez un édifice qui fait donc une vingtaine de mètres de long, dont les parties conservées, les parties archéologiques, c'est le rez-de-chaussée, comme toujours, ou les pièces en demi-sous-sol. Vous avez des carreaux de pavement avec des compositions dont on a pu reconstituer la totalité du décor, qui sont sur des alternances de carreaux glacurés jaunes et verts, avec des carreaux historiés qui interviennent dans des compositions géométriques assez classiques. Mais il ne s'agit pas du seul décor. La pièce remarquablement décorée, on ne l'a qu'en pièces détachées, par le biais de la destruction de l'édifice par le feu. Cet édifice a été incendié. Donc, une partie de son étage a été basculée sur les côtés et une partie est conservée donc dans les remblais de démolition qui sont encore dans un état de pratiquement de ruines fumantes. Et là, on va retrouver beaucoup plus de carreaux historiés, c'est-à-dire des personnages, voire des inscriptions, voire des armoiries. On a la chance, par exemple, d'avoir le blason des Chambly, hein, qui est... Les trois coquilles rouges. Oui, de gueule. Enfin, non, oui. D'or à trois coquilles de gueule. Non, plutôt de gueule à trois coquilles d'or. Voilà, c'est la terminologie qui est extrêmement codifiée des armoiries que je ne saurais méconnaître. De l'héraldique. Voilà. Tout ceci va demander un important travail de puzzle. On espère pouvoir retrouver des compositions un peu plus complexes. Ces beaux sols à l'étage nous indiquent très probablement une grande salle qui repose sur... on a un édifice partitionné en trois pièces au rez-de-chaussée avec des systèmes d'escaliers qui permettent de desservir deux des pièces directement à l'étage. Une pièce qui fait un peu office de commun, qui a son escalier spécifique qui monte à l'étage. Et on est en train de... J'ai découvert ce matin donc un autre escalier qui va de la pièce nord jusqu'à les... Donc on va voir ce que révèle la suite des fouilles. Ce qu'on est en train de découvrir depuis hier aussi, c'est des enduits polychromes qui proviennent de l'étage, qui sont basculés. Pour l'instant, je n'ai pas de motif, mais tout un amoncellement à des mêlées. On espère trouver, comme à Saint-Martin-du-Tertre, des peintures avec des motifs, au moins des motifs floraux, des choses un peu spécifiques. Donc une belle salle à l'étage. Là, en l'occurrence, on serait bien dans la qualification d'une salle qui peut être une salle seigneuriale. Qu'est-ce que l'on pourrait dire sur les Chambly ? Donc on sait qu'ils sont seigneurs de Viarmes, on sait qu'ils sont chambellans du roi. Qu'est-ce qu'ils auraient fait d'autre ? Est-ce qu'ils auraient contribué à ce royaume de France ? Alors on a affaire à, sur plusieurs générations à des grands serviteurs de l'État, hein, principalement sous le règne de Chambly jusqu'à Philippe le Bel, puis ensuite un passage un petit peu délicat, puisque ce sont des charges qui sont en même temps très lucratives. Ils bénéficient du bienfait des rois. Ça va être le cas durant le règne de Saint-Louis. Ce sont les premiers promoteurs de sa canonisation avec les moines de Royaumont. Hein. On a les Chambly qui sont les premiers à posséder des reliques de Saint-Louis, qui vont les conserver. Ils rendront ensuite ? Ils devront ensuite les rendre à la Sainte-Chapelle. Ils vont acquérir pas mal de possessions par les bienfaits de Saint-Louis, de Philippe III et de Philippe IV le Bel. Ils vont se faire pas mal d'inimitié ensuite, ce qui fait que leur étoile va un peu se ternir après le règne de Philippe le Bel. On arrive à une première période sombre, un peu obscure, et en tout cas de guerre civile, qui va conduire, archéologiquement, on est sur la destruction de la grande salle dont on a pu voir les restes, hein, que je viens de décrire. Mais on est aussi à une période de troubles, de reprise de la guerre de Cent Ans. Mais préalablement, le grand homme, un des grands hommes parmi les Chambly, on va le dire, c'est un peu la personnalité qui nous marque ici, c'est Pierre VI de Chambly, qui est un type qui va avoir sa principale carrière durant le règne de Philippe IV, déjà de Philippe III, puis de Philippe IV le Bel. Et qui c'est un ami des arts. Il va être à l'initiative d'un des grands romans gothiques, qui est le roman du comte d'Anjou, qui est un petit peu le conte de l'ancêtre du comte de Pau d'Âne, qui est écrit par Jean Maillard, qui est un notaire de la cour de Philippe le Bel, et qui dans son roman explique qu'il a écrit ce roman à la demande du seigneur de Virmès, du seigneur de Viarmes, qui lui en a soufflé la trame et qui est donc le principal bénéficiaire, et qui on a un excipit qui est donc à la gloire du seigneur de Viarmes. Donc c'est un texte qui est assez amusant de le relire donc à la lecture de ce qu'on découvre. J'ai notamment une description absolument géniale. On a globalement, c'est la fille du comte d'Anjou, pour fuir un risque d'inceste, va se sauver, se cacher dans la forêt, enfin, manger du pain noir. Et au moment où elle est obligée de manger du pain noir moisi, elle se rappelle toutes les agapes qu'elle pouvait avoir. Et là, vous avez une description absolument magnifique et gastronomique de tous les bienfaits culinaires et la richesse culinaire de l'époque de Philippe le Bel. C'est assez amusant de se rappeler ça lorsqu'on trouve des arêtes de poisson, des différents éléments. On a de la gastronomie. Alors Philippe VI, en l'occurrence, il possède également les étangs de Comelle. Et c'est l'occasion de rectifier une erreur historique communément admise, puisque un petit édifice qui est parmi les plus visités par les touristes qui vont surtout en cette chaleur d'été se rafraîchir aux étangs de Comelle, c'est une petite folie 19e qui finalement est plus médiévale qu'on imagine, puisqu'il s'agit du logis de Viarme, un petit édifice flanqué de quatre tourelles rondes, construit justement par Pierre VI de Chambly, pour manifester donc son acquisition des étangs de Comelle, et qui maintenant s'appelle Château de la Reine Blanche. Et comme par hasard, nos carreaux de pavement, ils viennent de ce secteur, puisque vous avez, et c'est également une chance, on a le four qui a fabriqué ces carreaux de pavement de façon certaine, puisqu'on a retrouvé des carreaux de pavement lors d'une fouille en 1903 qui sont conservés au musée de Senlis, qui sont identiques à ceux qu'on a découverts à Viarme, qui sont dans un four de tuiliers de style gothique avec une cheminée en pierre qui s'appelait encore au 19e siècle la lanterne aux morts, et qui en fait est un magnifique four de tuiliers avec une partie permanente, une cheminée gothique qui dépendait des moines de Chalis qui possédaient une grange, la grange de Comelle. 1352, 1358, on voit apparaître Charles le Mauvais dans les parages, bien sûr, roi de Navarre. On voit aussi la jacquerie, peut-être les écorcheurs. En tout cas, le château est rasé. Alors le château, je ne sais pas. Vous avez la salle, en tout cas seigneuriale, qui fait les frais probablement de cette période de troubles. Vous aurez toujours une grande difficulté à concilier les datations archéologiques, là on attend un petit peu d'avoir traité l'ensemble du mobilier, avec des événements historiques, y compris catastrophiques. On peut toujours vous sceller qu'un incendie peut être accidentel, non pas lié à des faits. On connaît les abus de surinterprétation, de forcer un petit peu au chausse-pied les données archéologiques pour les faire rentrer dans un canevas historique. Mais quand même, vous avez des péripéties assez catastrophiques dans le secteur. Charles Mauvais, c'est un peu le is no good, le traître hollywoodien de la période. Il faut le comprendre en même temps. Lui, il est capétien direct par le biais de sa mère, qui choisit d'être non pas reine de France, mais reine de Navarre. Mais c'est quand même avec le roi anglais, ce sont quand même les plus proches descendants des capétiens directs. D'où sa recherche par le biais de la guerre civile, de mouvements, de troupes, de ralliements de nobles, à récupérer un certain nombre de territoires et à combattre le Valois. En l'occurrence, en 1352, avec des troupes d'Anglais, il va rançonner l'abbaye de Royaumont. On est à 2 km, donc on sait qu'on a des compagnies de mercenaires qui trônent dans le secteur. À mon sens, le scénario le plus favorable, c'est de destruction de cette maison noble, c'est quand même la Grande Jacquerie. Là, vous êtes sur un phénomène massif dont on a peut-être même un peu sous-estimé l'ampleur, qui est finalement une sorte de révolution sociale et politique avant l'heure, même si elle ne dure qu'un mois. Vous connaissez un petit peu le contexte. Après la bataille de Poitiers, Jean le Bon est prisonnier. On sait que Jean le Bon, d'ailleurs, avait résidé au château de Viarme en 1351, d'après les chroniques et itinéraires. Vous avez donc une certaine anarchie. Paris s'est révolté. On est à l'époque d'Étienne Marcel. Et le dauphin, qui a été chassé de Paris, essaye de trouver des points forts. Et utilise donc la noblesse, essaye de mobiliser des paysans notamment pour fortifier Saint-Leu-d'Esran, des paysans, des carriers, etc. Mais vous avez un esprit antinoble qui s'est développé de façon considérable. Il faut dire que vous êtes sur une période d'une succession de malheurs, avec le début de la guerre de Cent Ans, avec la peste noire qui fait un prélèvement absolument abyssal sur la population. Et vous allez avoir des révoltes de non-nobles, sur une troupe de nobles à Saint-Leu-d'Esran qui aboutit au massacre de quelques-uns, quelques nobles qui sont tués, et qui va provoquer une réaction en chaîne. C'est-à-dire globalement, si vous faites un acte aussi transgressif que de tuer des nobles, vous n'avez pas le choix. Soit vous continuez en essayant de gagner, soit vous cachez dans la forêt, mais vous risquez... Et c'est ce qui va se passer. En fait, vous allez avoir d'un seul coup une espèce de connexion qui se fait entre les Parisiens un ensemble de communautés de non-nobles du sud du Beauvaisis. On est dans le secteur de Saint-Leu-d'Esran, on n'est pas loin, on est à 10-12 km de Saint-Leu-d'Esran, et vous allez avoir des troupes de plusieurs milliers de paysans qui vont, avec l'aval, je dirais, avec l'appui des bourgeois de Paris, mener une véritable guerre sociale. C'est-à-dire, ce qu'on cherche, c'est à casser des châteaux, à casser des maisons nobles et à tuer ou chasser les nobles. Et c'est ce qui va se passer dans la pratique. On a pourtant le puissant château de Beaumont qui est au moins partiellement pris, à chaque fois les nobles qui ne sont pas tués vont se réfugier, notamment à Meaux. Donc vous êtes dans un contexte de prise et de destruction de maisons seigneuriales qui couvre tout le nord du Val-d'Oise, le nord de l'Île-de-France et le sud du Beauvaisis. On est en plein dans cette zone géographique. Alors après, je pense qu'on peut quand même faire la... On peut avec beaucoup de vraisemblance oser la corrélation entre cette phase de destruction. Peut-être que justement la maison du comte de Beaumont incendiée telle que je l'ai retrouvée fouillée en 2004 a subi le sort à cette période. Hein. Je n'avais pas fait la relation à l'époque, mais c'est un scénario probable de destruction. Ce qu'on peut savoir en tout cas, c'est qu'ils ont recreusé les fossés juste après. Mardi prochain, à 15h30, mardi prochain, le Salon Noir sera consacré à cette belle découverte, le plus vieux parisien. J'apprends avec une immense tristesse le décès d'Alain Testard, seul anthropologue portant un regard sur notre préhistoire. Alain était en juin dans le Salon Noir. Nous consacrerons très prochainement une émission à sa pensée, son œuvre. Le Salon Noir était réalisé par Rafik Zénine, à la technique Ludovic Auger, attaché d'émission Catherine Donné. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir, sur le site franceculture.fr ou retrouver plus de 200 archives sur le site inrap.fr.